Joe Fufu. Ce morceau, vous n'avez jamais entendu. Yeah. Premier album, je commence à devenir un homme. Je prends conscience que j'entame le slalom. Depuis de longues années, je rêve de sortir disque, exprimer ma vie à travers ma propre musique. Ne pas voir la limite, à monter le son mélancolique, signé d'autographe, un grand fanatique. À rapper sur les scènes les plus magiques, à communiquer mon rap que certains disent magnifique. Je rêve de ce jour, on dira, Chocho, t'es devenu une star. On me conserve, les interviews seront diffusées dans les bars. Jour et nuit, je travaille ma voix et mes textes sans arrêter. Pour le jour J, je vais enfin ce que j'attendais. Devenir l'un des plus grands rappeurs du rap français. Passer mes journées dans les studios. Est-ce le parcours de soprano qui m'a fragilisé? Je voulais porter aux médias, aux appareils photo. C'est une grande carrière qui me tend ses bras. Je dois sauter dedans à la musique, je vis pour ça. C'est la première fois que mes textes dépassent le bout de mes doigts. L'effort que j'exerce est grâce à des gens qui ont cru à moi. À ce jour j'avance sans essayer de reculer. Sinon je risque de tomber dans de nombreux regrets. Les panneaux publicitaires ont dévoilé mon secret. Je souhaite devenir rappeur médiatisé. Yeah. Écoute, non, Chocho. Vous l'avez déjà entendu, c'est Fufu. J'attends impatiemment le moment où le public acclamera mon nom. Ce public qui sera chaud bouillant. Levez les bras et accompagnez cette chanson. Ça y est, j'y suis, je suis sur scène. Croyez-moi, ça vaut le coup de se donner la peine. À l'avenir, j'espère que mes futurs disques feront un carton à la Popstar ou sur M6. J'ai débarqué, le rap m'a adopté, la musique s'est mise à mes pieds. On m'a dit la vie est un jeu de chance, c'est faux, les vrais construisent eux-mêmes leur danse. J'aime que mon public soit chaud et mette l'ambiance. C'est une grande carrière qui me tend ses bras. Je dois sauter dedans, la musique je vis pour ça. C'est la première fois que mes textes dépassent le bout de mes doigts. L'effort que j'exerce est grâce à des gens qui ont cru en moi. À ce jour j'avance sans essayer de reculer. Sinon je risque de tomber dans de nombreux regrets. Les panneaux publicitaires ont dévoilé mon secret. Tu es devenu un rappeur médiatisé. Dédicace à l'équipe. Je suis dans le couloir d'une nouvelle naissance. Accordez-moi ce premier pas de danse. Pour qu'enfin je puisse saisir ma chance. Ma vie entame une nouvelle séquence. Rendez-vous à la prochaine séance. Quand mes fans seront tous en transe. Pour moi ce disque est une délivrance. Car j'étais enfermé dans un monde sans raison. La seule qui a ouvert la porte c'est cette chanson. Ça y est, arrivé au sommet. Dédicace à tout ce que je fais. À 10 ans j'ai commencé à raturer, chanter, m'exprimer. Si on m'avait dit ça avant, j'aurais dit c'était pas vrai. C'est une grande carrière qui me tend ses bras. Je dois sauter dedans, la musique je vis pour ça. C'est la première fois que mes textes dépassent le bout de mes doigts. Les forces que j'y réserve c'est grâce à des gens qui ont cru en moi. À ce jour j'avance, c'est essayer de reculer. Je te lance, j'ai dû tomber dans de nombreux regrets. Les panneaux publicitaires ont dévoilé mon secret. Je souhaite devenir rappeur médiatisé. Cops, Chocho, l'équipe, tout le monde, Johan, tout le monde quoi.